Bonjour. J'ai réouvert une chaîne, mais le seul abonné que j'ai, c'est celui à qui j'ai envoyé le lien. J'ai envoyé le lien, puis c'est mon seul abonné. Pourquoi? Parce que possiblement que les algorithmes font en sorte que il faut que j'envoie le lien pour que les gens le voient. J'avais dit que lors d'une vidéo que si on me censurait, j'allais ensuite faire quelque chose. Finalement, cette vidéo-là est restée. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a quand même de la censure que je considère injuste qui s'est exercée par rapport à des gens que je connais et je considère que il fallait quand même un retour. Et puis de toute façon, j'ai senti qu'il fallait que je revienne. La vidéo que j'ai faite où je parodiais certains signes de reconnaissance. Cette vidéo-là concerne une autre personne qu'on voit pas, que dans le montage de M. Lévesque, qui l'a pas mis, c'est M. François Legault, qui a fait la même chose au début d'un point de presse. J'ai essayé de faire des recherches pour savoir si il y avait cette espèce de pratique-là chez les jeunes là, concernant les bines, là. Par rapport à que ça fait pas plus mal qu'une bine. Puis non, je suis persuadé que c'est lié à ces choses dont j'avais pris connaissance il y a déjà plus de 20 ans. Donc, maintenant, ça concerne quatre personnes, Monsieur le Premier ministre François Legault, Madame la chef de l'opposition Dominique Anglade, Monsieur le ministre de la Santé Christian Dubé et Madame la co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé. Peut-être qu'elle aime pas se faire appeler Madame, je sais pas. De toute façon, cela n'a peu d'importance maintenant et de moins en moins pour moi. Parce que je commence à être fatigué de toutes ces choses ridicules. Maintenant, nous allons commencer par M. Dubé. M. Dubé est ministre de la Santé et c'est un comptable. Aussi, au niveau de sa propre santé, je trouve qu'il a l'air bouffi. Je le soupçonne, et ce sont que des soupçons, là, je ne peux pas le démontrer, mais je pense que M. Dubé est porté sur l'alcool. Et d'ailleurs, si vous observez bien, parfois en conférence de presse, quand il lève ses mains de la table, il tremble. J'ai eu des amis gravement alcooliques et ils avaient le même symptôme le matin. Donc peut-être que je trouve ça déplorable. C'est grotesque et je trouve ça triste. Pour ce qui est de Madame Anglade, dernièrement, le président haïtien légitime a été assassiné d'une façon odieuse et j'y vois plusieurs symboliques, notamment ils lui ont retiré les globes oculaires comme pour le punir de ne pas avoir fermé les yeux. Aussi, il a été castré, ce qui me porte à croire qu'il faisait partie d'une obédience quelconque et qu'il a été traité comme un traître. Madame Anglade, qui est la fille de Georges Anglade, aujourd'hui décédée, eh bien, elle n'en a pas parlé, elle ne semble pas vouloir commenter ça. Pourtant, il s'agit d'un crime odieux. Odieux. Maintenant, Madame Massé, de Québec solidaire, en ce moment à Cuba, il y a des débordements. J'ai vu des images. Et à la télévision, ce ne sont pas les mêmes images que j'ai pu voir. La population est affamée. Et je dirais que c'est une situation qui vient d'empirer parce qu'ils ont toujours été quelque peu affamés. Et Mme Manon Massé ne commande pas ça. Elle n'en parle pas, à ce que je sache. Pourquoi? Eh bien, vous n'avez qu'à faire une recherche par rapport à l'ancien co-porte-parole de Québec solidaire, monsieur le docteur Amir Kadir. Vous associez son nom avec jeune communiste ou d'autres choses de semblables et vous allez le voir sur des photos avec des jeunes gens, de jeunes gens et des drapeaux de type soviétique ou c'est que Québec solidaire semble être lié à une idéologie marxiste, notamment liée aux universités et au cégep. Maintenant, M. Christian Dubé a décidé de mettre en place une loterie et il veut que des mineurs participent à cette loterie. Il demande qu'il y ait la permission des parents. Pourquoi? Parce que sinon, ce serait illégal. De toute façon, à mes yeux, ça devrait l'être. J'y vois là un esprit de corruption de la jeunesse. Ce qu'on appelait anciennement déjà habité par un esprit de corruption. On pourrait aller loin, parler de ça. C'est quoi cet esprit de corruption-là? Pourquoi c'est dans l'air? Pourquoi c'est sur Terre pour depuis si longtemps? Pourquoi ça a toujours été lié au pouvoir? Et c'est quoi en fait cette chose-là, cet esprit de corruption-là? Par rapport là, à ça, il y a des soulèvements. Il y a un soulèvement en France. J'ai vu la marée humaine dans les rues. C'est pas à la télévision que je l'ai vu parce qu'on ne nous montre pas les vraies images. Je les ai vues ailleurs. La chose que je tiens à dire, c'est que tous ces soulèvements-là font partie du calcul et risquent de servir à justifier. Mais de toute façon, c'est mieux que ça arrive. C'est mieux que ça arrive quand même à mes yeux. Il y a une loi qu'on prépare au Canada contre la haine par rapport à l'islamophobie. Ce que je vois là-dedans, c'est que nos compatriotes qui sont de confession musulmane se font servir, ils se servent d'eux. Ces gens-là vont servir de justificatif afin de voter des lois qui vont servir à faire taire d'autres personnes. Pas les islamophobes, là, seulement. Puis de toute façon, bon. Mais c'est de voir qu'il y a l'hypocrisie de ça. Que la haine envers l'islam va servir de prétexte pour faire voter des lois encore liberticides, encore liées à de la censure. C'est encore une criminalisation d'une pensée qui serait dissidente au niveau, là, d'une liberté d'expression qui devient de plus en plus gênante. J'ai regardé un petit peu la télévision et on nous parle de Jeff Bezos là, qui est parti dans l'espace dans un véhicule en forme de verge là, puis qui revient tout heureux là, de sa promenade. Ce n'est pas ça les vraies nouvelles et ce n'est jamais les vraies nouvelles que je vois. Moi, je m'en fous. Jeff Bezos, il peut aller se promener où il veut, ça n'est pas important. C'est pas ça qui devrait. Mais on ne pourra jamais compter sur ces médias-là. De moins en moins. De moins en moins. Pourquoi? Esprit de corruption. Prenez le docteur Horacio Arruda. Par exemple, à l'époque de l'impératrice Tiwi, elle a tout fait pour que les Britanniques ne fassent pas entrer d'opium en Chine sur le marché chinois. Pourquoi? Parce que c'était entre autres une tactique des Britanniques pour essayer de rééquilibrer la balance. Parce que les Britanniques, ils étaient de grands consommateurs de porcelaine, de thé, de soie, et que tout ce que produisait l'Angleterre, la Chine n'en voulait pas. Il n'y a personne qui était dépendant des produits de l'Angleterre, et puis ça créait un déséquilibre économique au sens des Britanniques. C'est pourquoi ils ont voulu inonder le marché chinois avec de l'opium et rendre les Chinois dépendants à l'époque. Et qu'est-ce que ça a été les conséquences de ça quand les Britanniques, à coups de canon, ont forcé les ports chinois à accepter ces chargements d'opium-là? Ça a transformé en loques des centaines de milliers de Chinois. C'était ça le résultat. Et là, le docteur Horacio Arruda, moi je me souviens avoir vu un article dans le journal Métro où il parlait de la légalisation de drogues dures. Et je puis vous assurer que ça va finir par arriver. Pourquoi? Esprit de corruption. C'est une question d'un esprit de corruption. Il y a une guerre entre des gens qui sont ce qu'on peut dire, comme on disait anciennement, habités par un esprit de vérité et d'autres qui sont au service d'un esprit de corruption. Il s'agit de choses très, très, très anciennes qui achèvent. Ça achève. Mais ce sera terrible. Les soulèvements vont servir de prétexte pour déployer ce que j'appellerais des machines inusitées jusqu'à maintenant. Ça, j'en suis persuadé. Le but, c'est pas de vous faire peur. Le but, c'est, si je puis dire, que nous avons été avertis, mais il semblerait que c'est pas clair encore. Il semblerait que c'est pas clair et je commence à considérer que ceux qui ne disent rien sont coupables. Sont coupables de complicité. C'est devenu un crime de ne pas rien dire à mes yeux. Donc, j'ai décidé de réouvrir une chaîne. Il n'y a que Monsieur l'évêque qui est abonné parce que je lui ai envoyé le lien personnellement. Il m'avait dit que j'étais pas obligé de l'appeler Monsieur l'évêque, mais c'est qu'au niveau d'un échange avec un public ou sur une place publique, je considère que ça prend un certain décorum. Puis j'ai toujours agi comme ça. Donc, David, je l'appelle Monsieur l'évêque. C'est pas pour avoir, c'est pas parce que pour être rigide ou quoi que ce soit, mais c'est une question, si on peut dire, de décorum. Parce que nous vivons une époque d'indignité. Nous vivons une époque d'indécence. Nous vivons une époque où cet esprit de corruption-là est très, très, très présent au sens d'une habitation chez plein de gens. Et il convient d'essayer au moins d'essayer de retourner à des formes plus saines peut-être, ou si je pourrais dire là, quelque chose qui compense. Parce que nous vivons réellement à une époque d'indécence généralisée. Les choses importantes ne sont pas parlées, mais il s'agit que une greluche en mord une autre dans la cuisse et on nous en parle pendant des semaines. Ce sont des choses qui sont futiles par rapport au reste. C'est d'une grande futilité et je trouve ça, c'est indécent, c'est de l'indécence. Ça commence à faire. Il faut au moins le dire. Moi, je préférerais mourir avec les globes oculaires retirés et castrés que de mourir dans de l'indécence et de l'indignité sans avoir rien dit, ou de vivre plutôt là-dedans. Parce que il reste que si on se sent habité par une certaine justice, un certain, ce que j'appellerais entre guillemets, un esprit de vérité, on ne peut pas ne rien dire. Parce que c'est indécent, le silence devient un mensonge par omission. Le silence devient indécent. Et de toute façon, ça fait partie du calcul qu'il y ait un soulèvement à un moment donné. Il faut qu'il y en ait. Là, le problème, c'est que justement, le pire est devant nous. Puis ça s'en vient. J'en viens à penser que, comme il avait été dit, le trois quarts des arbres sur Terre va brûler. Que la moitié de la population va mourir, la population mondiale peut-être même plus. On ne le sait pas encore, ce sont des choses que nous avons été avertis, que nous savons, mais qui se découvrent à mesure. C'est difficile de savoir la forme que ça va prendre, parce que les gens qu'on appelait anciennement, si vous voulez, entre guillemets, des prophètes qui ont canalisé ça, parce qu'il y avait une partie d'eux qui était capable d'accéder à des choses au-delà du temps et de l'espace. Ces gens-là, ils savaient ce qui est au-delà de la forme. Ce qu'ils captaient, c'était entre autres au-delà de la forme. Et puis, ils l'interprétaient selon leur propre forme, au niveau de leur ego, leur psychologique à eux, en tant que, si je peux dire, entre guillemets, canal. Mais qu'on m'accuse jamais de faire partie de cossins de Nouvel Âge, de choses liées au Nouvel Âge, parce que ce sont des choses que j'ai condamnées tout le temps. Puis, dont j'ai toujours trouvé, ça fait partie de l'indécence, ça fait partie du grotesque de notre époque. Donc, si nous prenons en compte que ces forces-là ont pour père, entre guillemets, un esprit de corruption qui a été menteur et meurtrier depuis le début, eh bien, ça va être ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ce soit la fin de ça. Parce que c'est une guerre à finir, c'est ça une fin de cycle. C'est pas que qu'une guerre est nécessaire ou quoi que ce soit, mais ça n'a pas le choix de prendre ces formes-là. Parce que la vie est un rapport de force et puis ça n'a pas le choix. Je veux dire, les choses évoluent souvent dans le traumatisme, malheureusement. Et les considérations humaines, ils sont sous l'emprise de choses, de principes, de lois qui vont bien au-delà de ça. Donc, maintenant, par rapport à ces gens-là, leur façon d'agir, je vous dirais que oui, il faut qu'il y ait jusqu'à un certain point des réponses et tout, mais si nous le regardons clairement, nous nous rendons compte que ces gens-là, entre autres, font pitié. C'est réellement déplorable de voir ça. Et c'est juste triste. Mais c'est possiblement que C'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est des choses qui ont été annoncées tellement longtemps à l'avance. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Ma nouvelle chaîne, si jamais Monsieur Lévesque met cette vidéo-là sur sa chaîne, il va pouvoir vous mettre le lien de la chaîne dans la description. Parce que il va falloir jouer son rôle jusqu'au bout, là, semble-t-il, parce que c'est dommage, mais nous vivons des temps programmés. Et les initiés de la connaissance vont chercher à fusionner avec la technologie, avec la matière. Et ils vont tomber en guerre avec des initiés du savoir, ce qu'on appelait anciennement, sous d'autres noms, là, comme par exemple des gens, si on peut dire là, parfois des peut-être des prophètes ou parce qu'il faut qu'il y ait une réponse, puis il va toujours y avoir un rééquilibrement des forces, puis c'est tout à fait normal. L'important, ça va être de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur. Parce que comme le dit le docteur Arruda, la peur fait faire des choses qui n'ont pas de crise de bon sens. Et lui-même est un exemple de ça, puisque, à mes yeux, ils se sont servis de la peur pour nous faire faire des choses qui n'ont pas de crise de bon sens. Puis de toute façon, le docteur Arruda, Madame Anglade et compagnie, c'est pas pour rien qu'ils font des simagrées ridicules, comme vous avez vu. Dans une obédience ou une hiérarchie d'initiés de la connaissance, il y a une hiérarchie fermée. C'est ça, les rideaux dans le temple. Eux autres, ils ont des temples. Moi, mon temple, c'est ça ici. Mais eux, ils ont des bâtiments parce qu'ils se prennent pour des constructeurs. C'est pas pour rien, j'avais dit, ce ne sont pas des gens qui ont corrompu la société, ils l'ont créée. Ce sont des corrupteurs d'individus. C'est ça, un esprit de corruption. Donc, je considère que là, c'est suffisant pour aujourd'hui. Et puis, comme vous, j'assiste à mesure au développement. Mais je vous avais prédit que vous seriez reconfiné presque tout de suite après l'heure du souper et que le masque allait finir par devenir obligatoire en tout temps dans la rue. Eh bien, l'automne s'en vient. L'automne s'en vient et je reste persuadé que c'est ce qui va arriver. Donc, merci. Bonne journée à vous.